Le soleil tout juste se lève. Elle serre fort le pot tongant. L'odeur des épices embaume l'air. Seuls les cailloux crissent sous ses pas. En chemin vers sa tombe, elle repense à ce jour béni, quand cet homme l'avait guérie. Il n'était pas comme les autres prophètes. Son choix dès lors était fait. Elle commença à le suivre, soutenant comme elle pouvait, par sa richesse, son aisance. Elle a entendu tous ses discours, un espoir sans pareil, toujours la main tendue vers les plus faibles, les rejetés. Pardonner tant de malheureux, rendre la vue ou la vie, mais la menace qu'elle redoutait s'est abattu. Balayant de sa mémoire les images de l'agonie de son maître mourant en croix, elle retient ses larmes de peine. Consternée, elle arrive face à l'entrée scellée dans la nuit, qui poussera pour nous la lourde pierre. L'incroyable soudain s'est produit. Le sol tremble et libère l'entrée. De frayeur, elle pousse des cris. Sont ces hommes vêtus de blanc, où se trouve le corps de Jésus? Il est revenu à la vie, le rassure l'un des hommes. Vous ne le trouverez plus ici. Prise de peur, elle s'enfuit. Sa monte courage, Marie décide de prévenir les onze fidèles. Mais les disciples la croiront-ils? Son témoignage ne vaudra rien. Mais Pierre et Jean la suivent, constatent que le tombeau est vide. Ils repartent aussitôt l'annoncer. Elle reste là près de l'entrée et pleure. Son cœur déjà si douloureux se brise dans sa stupeur. On a volé le corps de son sauveur. Sous le coup de grâce, elle s'effondre. Pourquoi pleures-tu? Demande-t-il. C'est le jardinier, son jetel, un coupable potentiel. Dites-moi où vous l'avez mis. Une voix l'appelle soudain, Marie. Ahurie, elle le reconnaît. Maître, s'écrie-t-elle. Elle aurait voulu toucher ses pieds, manifester sa joie. Mais doucement, il l'arrête. Ne me touche pas maintenant. Mes frères, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Oui, la première, elle a revue.